T'avais mis au-dessus de tout et tu m'as laissé. J'ai mal. Oui, j'ai le mental, mais celle-là, je l'ai pas vu arriver. Normal. Mais maintenant, tout va bien, bien, tout va bien. Maintenant que t'es pas là. Bien, tout va bien. Moi, j'ai dit, oh là là. Maintenant, tout va bien, bien, tout va bien. Maintenant que t'es pas là. Bien, tout va bien. J'ai dit, oh là là. Bébé, tu joues bébé. Bébé, t'as fait tes bébés. Mais maintenant tout va bien, bien, tout va bien. Maintenant que t'es pas là. Bien, tout va bien. Moi, j'ai dit, maintenant oh là là. Tout va bien, tout va bien. Maintenant que t'es pas là. Bien, tout va bien. Moi, j'ai dit, oh là là. Bébé, tu joues bébé. Bébé, t'as fait tes bébés. Bébé, tu joues bébé. Bébé, t'as fait tes bébés. Oh mon bébé, jusqu'à maintenant tout. Ça va aller. Ensemble on dette ça. Là t'as tout cassé. Tu pistes mon Insta. Y'en mais maintenant a assez. Tout va bien, bien, tout va bien. Maintenant que t'es pas là. Bien, bien, tout va bien. Moi, j'ai dit, oh maintenant là, tout va bien, bien, tout va bien. Maintenant que t'es pas là. Bien, bien, tout va bien. J'ai dit, oh là là. Bébé, tu joues bébé. Bébé, t'as fait tes bébés. Bébé, tu joues bébé. Bébé, t'as fait tes bébés. Ensemble on dette ça. Mais t'as tout cassé. Pourquoi tu fais ça? Ton cœur est fâché. Je t'avais dit non, c'est sans façon. Sans façon, sans façon. Le soleil se lève, je suis mitigé. Tu sais tout me manque, ton élégance, ton regard. J'ai laissé les délits, je vais plus sur les plans. Je pense à quoi? Tout va comme jamais. Et que le vent t'emmène. Maintenant que les fleurs sont fanées. Mon bébé tout va bien. Mais maintenant tout va bien. Bien et tout va bien. Maintenant que t'es pas là. Bien et tout va bien. Moi j'ai dit, oh là là. Maintenant tout va bien. Bien et tout va bien. Maintenant que t'es pas là. Bien et tout va bien. Moi j'ai dit, oh là là. Bébé tu joues bébé. Bébé t'as fait tes bébés. Bébé tu joues bébé.